chasseur, personne noir, c'est un UCR. Ressors-moi un verre ou deux. Négro vient des cons, très loin, t'as l'époque des singes. Et préfère consommer sa bière. Je suis passé au-dessus des scores comme la barre de traction. La chatte à ta meuf et le poisson. Un concours comme qui le plus fort, ton pélo à mort, joue à l'hameçon. La tête au goofy coupée comme la machin, tiens. Conche comme un chaman amérindien. SO Caprima dit c'est un bon taf. Fuck ta comme est ton contrat. Fuck ta comme est ton contrat. Je suis anti-goofy, anti-bouffon. T'es moitié groupie, moitié mouton. Coup de sur la prod et prends une autre vision de la chose. Ta putelle fout la mort, faut lui mettre quelque chose dans la gorge. Enfant de bas âge, nique tout sur son passage. Enfant de bas âge, nique tout sur son passage. Pas la fin de la zep. Top une ta mère, jolie. Ramène la plaquette de prométhazine. Oui, négro, je me taperai bien ta zine. Cours, pour moi, c'est que j'investis trac aussi. Oh, eh. Qui est meilleur que nous? Oh, combien nous suce le bout? Eh. Oh, sont bons qu'à faire des décalcages. Oh, couche de Cali et MGP pour le décollage. Oh, Omar roule le terre, c'est le A qui tient le terrain. Refuse tous les volontaires, leurs zones, nous on est sectaires. Oh, pas l'appel à la base, le défenseur, je vais briser ses reins. Leurs zones, la pop passe, elle nous écoute même dans le bar. T'es beaucoup moins beau quand t'as pas de nez. Qu'est-ce que je vais faire dans des cas? Tu vends la course ou la bande? Fait que je la fume, je la cache. Tous les gens focus. Tous les jours j'accrois mon karma. Les mecs en focus. Tourne dans les blocs, blocs et ta main. Ok j'arrête, ok t'as mal. Pétasse tes chantiers plus que ta balle. Qu'on soit pas choqué par le chaman. Parle mieux, pédant, j'ai pas ton tâche. Là tu me vois mieux sur SoundCloud. J'ai pas un selfie, tu montes ton quoi. Échanger commerce dans les squares. Appelez les textes, c'est un truc de quoi. Yozo, tout est carré. Mojo tard, tu me carré. En zoom comme des tarés. Je descends pas des carrés. Yozo, tout est carré. Mojo tard, tu me carré. Cypher, j'suis dans la pièce, j'suis dans le cypher. Cypher, j'suis dans la fosse, soulève ta sœur. T'as du retard, toujours à l'heure, non. Cypher, j'suis dans la pièce, j'suis dans le cypher. Cypher, cypher, j'suis dans la pièce, j'suis dans le cypher. Wow. J'ai cette moula dans la poche, j'fais mes bails et puis j'm'arrache. J'veux vite que tu le débarrasses. J'veux que cette bad bitch elle me suce. Ressent comme le samedi soir. Plus j'grandis, plus rien me déçoit. J'sais sur qui compter à présent. Les personnes sont hales, c'est réel. Elle me prend la tête, en vrai c'est chiant. J'ai besoin de fumer le truc à présent. Aucune sensation quand tu me parles de ces putes. Faut que t'es mis au bail de flûte, je me fais contrôle le truc dans le fut. Rare.